Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Il y a un mythe selon lequel Hitler aurait été un grand stratège, un bon chef de guerre. Et si ça n'était pas vrai, les erreurs stratégiques d'Hitler, c'est le Super Fail de la semaine. Novembre 1939. L'orage gronde sur l'Europe. Convoqués par le Führer, 200 généraux ont répondu présents. La Wehrmacht a conquis les Sudètes, la Tchécoslovaquie et la Pologne en seulement un an. Mais Hitler ne compte pas s'en tenir là. Sans détour, il annonce la couleur. Continuer la guerre, attaquer la France et le Royaume-Uni, au plus tôt. L'heure de la bataille la plus importante pour l'avenir de la nation allemande est arrivée, dit-il. L'assistance est sidérée. Pour les hauts gradés de l'armée allemande, la démarche est suicidaire. Mais Hitler est résolu à imposer sa décision. Ses généraux, il compte les mettre au pas. Il n'a pas fréquenté d'académie militaire, il n'a jamais été officier, ni commandé le moindre bataillon, mais il est convaincu que son instinct vaut mieux que tous les galons. C'est un extrait du documentaire de Christiane Ratinet, Les coulisses de l'histoire, Hitler, l'art de la défaite, dont vous avez assumé la direction éditoriale, Olivier Viziorca. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur à l'école normale supérieure de Paris-Saclay, et vous avez notamment publié une histoire militaire de la France chez Perrin. On a tendance à croire qu'Hitler avait tout compris à l'art de la guerre, alors même que l'on sait qu'il a perdu cette guerre. Si vous deviez désigner là où les premières erreurs d'Hitler, que diriez-vous, Olivier Viziorca ? Bien, on peut dire que Hitler a commis beaucoup d'erreurs. Alors, pour les erreurs, il faut se demander si l'on raisonne sur un plan stratégique ou sur un plan plus global. Je pense que sur un plan plus global, Hitler a commis plusieurs erreurs. D'abord, l'alliance avec l'Italie, qui a été quand même une catastrophe. Ensuite, l'attaque contre l'Union soviétique. Et enfin, la déclaration de guerre aux États-Unis. Sur le plan stratégique, je pense que la première grande erreur d'Adolf Hitler a bien évidemment été le fait qu'il ordonne à ses troupes de stopper à Dunkerque. Alors, qu'est-ce que c'est Dunkerque ? Alors, qu'est-ce que c'est Dunkerque ? Rappelons rapidement le pitch. Donc, les Allemands attaquent le 10 mai 1940 en Belgique et aux Pays-Bas. Et les Franco-Britanniques, malheureusement, se portent à la rencontre de ces troupes. En fait, la véritable offensive se déroule dans les Ardennes. Et là, c'est un plan qui a été élaboré par Manstein et qui est un plan absolument génial. Et donc, les forces allemandes bousculent les défenses françaises et entament, au fond, ce que l'on pourrait appeler une course à la mer et arrivent à Dunkerque. Et là, à Dunkerque, nous sommes à la fin mai 1940, Hitler ordonne à ses troupes de s'arrêter. Göring, qui commande l'armée de l'air, lui promet que, au fond, sa Luftwaffe va emporter la décision. En fait, pendant plusieurs journées, il n'y a pas de combat. Et du fait qu'il n'y ait pas de combat, le gros du corps expéditionnaire britannique réembarque. Et vous avez en gros 300 000 soldats britanniques et français qui vont rejoindre le Royaume-Uni. Ce qui va permettre à l'Angleterre, dirigée par Churchill, de poursuivre la lutte. Et là, c'est une erreur majeure, bien évidemment. Mais d'après vous, Olivier Viziorca, il écoute Göring, il se dit que finalement la bataille aérienne réussira à faire plier l'Angleterre, ou il envisage, parce que peut-être que les jeunes auditeurs ne le savent pas, mais il envisage une alliance possible avec l'Angleterre. Alors, il y a plusieurs raisons qui ont été avancées pour expliquer cette erreur. La première, c'est que Hitler, au fond, ne voulait pas ou n'aurait pas voulu mettre l'Angleterre à genoux. Au fond, il a toujours respecté le Royaume-Uni, et il pensait qu'entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, il n'y avait pas nécessairement une grande divergence d'intérêts. Au fond, on laisserait aux Britanniques leur empire, les Indes et l'Égypte, et puis l'Allemagne serait la puissance dominante et hégémonique sur le continent. Et donc, qu'au fond, un terrain d'entente serait possible, c'est la première explication. La seconde explication, c'est que Hitler a la trouille. Pourquoi ? Parce que ses armées ont énormément avancé et il a toujours eu peur d'une contre-offensive. Donc il a plutôt eu tendance face à des généraux qui, au fond, allaient de l'avant et outrepassaient leurs droits. Je vous signale par exemple que Rommel va tellement vite que cela inquiète et que pour éviter d'être appelé à l'ordre, il coupe sa radio. Voilà, donc ils avancent. Et donc que ça aurait été un moyen, au fond, un peu de sécuriser ses lignes. Et puis la troisième raison, et qui là me paraît peut-être un peu plus séduisante, c'est que les généraux allemands se sont couverts de gloire et que Hitler veut montrer qu'il est le patron. Et donc qu'il ordonne à ses généraux de s'interrompre pour éviter qu'ils ne captent les lauriers de la victoire. Vous parliez d'une erreur stratégique, son alliance avec l'Italie. Pourquoi Olivier Viviorca ? Parce que je crois que l'Italie n'a apporté que des misères à Adolf Hitler. D'abord, l'Italie a obligé Adolf Hitler à intervenir en Grèce et en Yougoslavie. Pourquoi ? Parce que Mussolini avait pris l'initiative d'une campagne de Grèce qui a tourné à un échec absolument majeur en 1941. Légèrement auparavant, Mussolini est intervenu en Afrique du Nord pour essayer de reconquérir l'Empire romain. Or, là, les Britanniques infligent des revers absolument majeurs aux Italiens et sont aux portes de la Libye. Donc Hitler va être obligé d'envoyer des forces pour secourir l'allié italien, Rommel, et son célèbre Afrika Korps. Et donc, au fond, cette Italie n'a apporté que du désordre et du malheur à l'Allemagne nazie, fort heureusement. On peut imaginer aussi qu'Hitler a eu le tort de déclarer la guerre à trop de gens, et trop de pays évidemment, et qu'il y avait un choix à faire entre les États-Unis et l'Union soviétique, Olivier Viviorca. Oui, alors la grande erreur de Hitler, c'est bien évidemment de vouloir à la fois attaquer l'Union soviétique, on sait que la campagne commence le 22 juin 1941, et les États-Unis. Alors, ceci dit, dans les erreurs commises, je pense qu'il faut aussi rappeler que les individus et les chefs d'État agissent sous contrainte. Donc que les choix pour Adolf Hitler ne sont pas infinis. Alors, pourquoi attaque-t-il l'Union soviétique ? Il attaque l'Union soviétique parce qu'il estime que les États-Unis vont tôt ou tard aider le Royaume-Uni et qu'il faut abattre le seul allié continental dont la Grande-Bretagne dispose. Donc il faut attaquer l'Union soviétique et emporter très vite la décision avant que les navires américains arrivent au Royaume-Uni chargés de tanks, d'avions, voire de produits alimentaires. Il a raison pour l'Union soviétique. Est-ce que Staline aurait déclaré la guerre à Hitler ? Parce qu'on se souvient que Staline était extrêmement surpris malgré les informations qu'il avait, qu'Hitler lui déclare la guerre. Alors, petit débat autour de cette question. Staline ne veut pas la guerre au départ, mais il l'envisage. Donc l'une des raisons qui a été invoquée, notamment par certains historiens dits révisionnistes, c'est que la guerre en Russie, que mène Adolf Hitler, aurait été une guerre préventive. Staline était de toute façon décidé à attaquer l'Allemagne, et donc Hitler n'aurait fait que prendre les devants. Je pense que la perspective d'une guerre, parce que Staline est loin d'être un fou, la perspective d'une guerre menée par l'Union soviétique de manière préventive contre l'Allemagne nazie, est une illusion. Staline sait très bien qu'il n'a pas les moyens, en 1941, de déclencher une guerre. Donc, il faut abattre l'Union soviétique. Mais d'autre part, à partir du moment où les Japonais frappent à Pearl Harbor le 7 décembre 1941, eh bien, une nouvelle perspective s'ouvre. Le calcul d'Adolf Hitler, c'est que les Japonais vont mener une vie si dure aux États-Unis et au Royaume-Uni en Asie, qu'ils vont au fond attirer les États-Unis sur le théâtre asiatique, et donc qu'il faut être partie prenante de cet effort et déclarer la guerre aux États-Unis. Pearl Harbor, ce n'est pas Hitler qui en décide. Non, bien évidemment. Non seulement Hitler ne décide pas, mais Hitler n'est pas au courant. Les Japonais le mettent devant le fait accompli, mais il saisit au fond la balle au bon, ce qui explique qu'en 1942, alors que les nazis, au fond, étaient assez pessimistes à partir du moment où ils sont bloqués devant Leningrad d'une part et devant Moscou de l'autre, eh bien ces nazis qui étaient pessimistes reprennent espoir, hein, au fond, et envisagent encore de gagner la guerre grâce à leur allié japonais et grâce justement à cette guerre qui devient véritablement mondiale. Qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer d'autre du point de vue d'Hitler à l'époque ? Alors, du point de vue de Hitler à l'époque... Et est-ce qu'il aurait pu, par exemple, se désolidariser du Japon, Olivier Viurka? Il aurait parfaitement pu se désolidariser du Japon, puisque le Japon s'est désolidarisé de l'Allemagne. Phénomène incroyable, le Japon n'a rien fait contre l'Union soviétique. Quand je dis qu'il n'a rien fait, cela veut dire que, grand 1, il n'a pas déclaré la guerre à l'Union soviétique, soit, mais que, grand 2, il a maintenu une position de neutralité du début à la fin. Or, on parle du pré-bail, c'est-à-dire le mécanisme qui permet aux États-Unis d'alimenter en matériel de guerre, mais également parfois en matériel civil, ses alliés. Et donc ce pré-bail, ce sont bien évidemment les convois qui vont ravitailler l'Union soviétique par la mer du Nord. Or, ces convois, contrairement à ce que l'on peut croire, nous, Européens, ne représentent que 25% du matériel acheminé en Union soviétique. 50% du matériel transite par Vladivostok. Les Allemands sont fous et disent aux Japonais « torpillez, agissez contre ces convois ». Les Japonais ne bougent pas, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas d'un conflit avec l'Union soviétique. Donc Hitler aurait pu tout à fait rester à l'écart de la mêlée et ne pas déclarer la guerre aux États-Unis. Ils n'en veulent pas parce qu'ils redoutent de le perdre ? Le Japon a hésité, le Japon a oscillé entre une stratégie nordiste défendue par l'armée de terre, avec l'idée qu'il fallait frapper en Mandchourie, en Union soviétique. Mais pour tout un ensemble de raisons, et notamment le fait que vous avez eu des escarmouches qui se sont très mal terminées pour le Japon en 1939, eh bien, en raison de ce bilan désastreux, ils optent pour une stratégie sudiste portée par la marine, qui va donc regarder vers le sud, l'Indochine, Singapour, etc. Et donc, les Japonais tiennent à leur neutralité avec l'Union soviétique. Alors maintenant, si on se porte sur les opérations que le Reich a menées dans les colonies, dans l'Empire français et les autres empires, quel est le bilan de cette guerre? Est-ce que là aussi, on peut dire qu'Hitler a commis des erreurs, Olivier Viurka? Alors, Hitler a commis des erreurs en Afrique du Nord, au sens large du terme, c'est-à-dire du Maroc à l'Égypte, parce qu'il a toujours agi à contre-temps. Au fond, au départ, il va envoyer des forces assez minimes, l'Afrika Korps de Rommel, tout simplement pour aider les Italiens et pour, au fond, essayer de perturber les lignes de communication entre le Royaume-Uni et son empire, lignes de communication qui transitent par Suez et la Méditerranée. Mais Hitler, pour qui la grande affaire est quand même le front russe, ne va jamais mettre assez de billes dans l'affaire. Ce qui veut dire que Rommel aura toujours des problèmes, à la fois en hommes, mais également en matériel. Or, Hitler, à partir d'un certain moment, constate que la contre-offensive, et notamment la contre-offensive déclenchée par les Britanniques, suite au succès d'El Alamein en octobre 1942, risque d'offrir le contrôle de la rive sud de la Méditerranée aux Anglo-Américains, et donc de menacer l'Italie. À partir de ce moment-là, il va injecter des renforts considérables, mais ces renforts arrivent trop tard. Et lorsqu'en mai 1943, les Allemands capitulent en Tunisie, eh bien, ils perdent à peu près 250 000 hommes, Allemands et Italiens. 250 000 hommes, il faut rappeler que le nombre de prisonniers capturés à Stalingrad est de 90 000. Donc on peut à cet égard parler de Tunisgrad, comme l'ont fait certains historiens. C'est véritablement une défaite majeure qui, par surcroît, ouvre aux Alliés la porte de l'Italie. Et là, Hitler a agi à contre-temps. Mais il faut se rappeler aussi que Hitler est un chef de guerre, mais que c'est aussi un chef d'État. Et donc qu'il intègre à sa réflexion des considérations qu'on appellera géopolitiques, qui ne sont pas nécessairement le fait de ses généraux. Donc il y a un hiatus aussi entre les généraux qui ne voient pas l'ensemble du problème et Hitler qui, lui, le voit. L'autre élément qu'il faut peut-être rappeler, c'est que, et c'est ça la grande erreur de Hitler, il n'a aucune confiance dans ses généraux et donc il va intervenir dans le détail au niveau de la stratégie opérationnelle et même parfois dans la tactique. Et là, ce n'est véritablement pas son job. Pourquoi n'a-t-il pas confiance dans ses généraux, Olivier Viurka? Alors, vous avez une grande différence culturelle entre Hitler et ses généraux. En fait, les généraux, pour aller vite, méprisent Hitler. Et le meilleur exemple, c'est le mépris que témoigne Hindenburg, l'ancien président de la République, à l'égard de ce caporal. Donc il y a, pour aller vite, un mépris de caste, un mépris de classe à l'égard de ce caporal mal élevé. Mais de l'autre, Hitler se méfie des généraux qu'il considère comme peut-être trop prussiens, engoncés dans la routine, Pour Hitler, ce qui compte, c'est le triomphe de la volonté. Avec la volonté, on peut tout faire. Et cette volonté, les généraux ne l'ont pas. Alors, il y a un hiatus, il y a une méfiance, il faut le souligner, qui n'est pas sans réalité. Pourquoi ? Parce que la véritable menace, elle va venir des cercles militaires. C'est bien Stauffenberg qui met une bombe. Ce ne sont pas les ouvriers berlinois qui se révoltent. L'attentat manqué contre Hitler. Voilà, le 20 juillet 1944. Mais dans le même temps, il ne faut pas non plus exagérer cette faille, parce que les généraux sont tout aussi imbibés de nazisme qu'Adolf Hitler. On a très souvent opposé une Wehrmacht propre, une armée allemande propre, chevaleresque, combattant dans l'honneur, à des reîtres nazis s'adonnant à la barbarie. Or, on voit aujourd'hui que ces généraux allemands partageaient les objectifs, y compris exterminateurs ou exterminationnistes du nazisme, et que des grands généraux comme Manstein ont du sang sur les mains, du sang, c'est-à-dire qu'ils ont commis des crimes contre l'humanité. Hitler pouvait-il gagner cette guerre, Olivier Viviurca ? Alors, Hitler pouvait-il gagner cette guerre ? Si vous voulez, aujourd'hui, nous, les historiens, aurions tendance à répondre par la négative pour une raison très simple, c'est que l'Allemagne nazie n'a absolument pas les moyens économiques de gagner la guerre. C'est une Allemagne qui n'a pas de pétrole, c'est une Allemagne qui n'a pas assez d'acier, c'est une Allemagne qui n'a pas assez de matières premières, de caoutchouc. Bon, mais grâce au pillage. Et même si les Allemands pillent à la fois l'Europe continentale qu'ils ont asservie, mais dans une certaine mesure aussi les colonies françaises, dont un certain nombre de produits iront au Reich, ce n'est pas assez, parce que ce pillage a un coût. Ce pillage a un coût, c'est-à-dire qu'il faut des wagons pour transporter le charbon, il faut des locomotives pour tirer les wagons, etc. etc. Donc d'emblée, à partir du moment où l'Allemagne nazie échoue à mener sa guerre éclair contre l'Union soviétique, la guerre est perdue. L'Allemagne pouvait-elle gagner la guerre contre l'Union soviétique ? On s'aperçoit aujourd'hui que la capacité, disons, de résilience de l'Union soviétique est beaucoup plus forte que ce que l'on imaginait. Staline, malgré les crimes qu'il a commis, a véritablement doté l'Union soviétique d'un appareil industriel très puissant. Cet appareil industriel, il a réussi aux premiers mois, aux premières semaines de la campagne de Russie, à l'évacuer derrière l'Oural. Donc on a un appareil productif très fort. D'autre part, cette armée rouge qui est bien évidemment décimée par les purges de 1937, eh bien elle va sécréter en son sein des généraux très jeunes. L'exemple typique, c'est Joukov. Et ces généraux vont apprendre le métier et se révéler extrêmement talentueux. Donc on peut dire qu'il aurait fallu beaucoup de hasard et beaucoup de chance pour que Hitler emporte la décision en Union soviétique. N'oublions pas l'immensité du territoire soviétique et les réserves d'hommes. Et alors, c'est évidemment de l'histoire contrefactuelle. Si Hitler avait gagné la bataille de l'eau lourde, s'il avait réussi à fabriquer une bombe atomique, est-ce que c'est cela, et en quelque sorte, qui lui aurait permis de l'emporter ? Était-ce son plan, Olivier Viviurca ? Non, d'abord, premier élément, une chose est de fabriquer une bombe atomique, et là les Allemands en sont loin, une autre est de pouvoir la transporter. Bon, donc il y a la bombe atomique, il y a les vecteurs. Or, à partir du moment, par exemple, où l'Allemagne, en 1943-1944, n'a plus la maîtrise des airs, on se demande comment ils auraient pu transporter cette bombe atomique. Deuxième élément, et c'est l'objet des prochains documentaires sur Arte, on voit bien que ce n'est pas Hiroshima qui fait capituler le Japon. Et j'ai envie de dire, la preuve, c'est que les Américains envoient une seconde bombe atomique. Donc, dans la folie meurtrière qu'est le nazisme, il n'est pas du tout évident que les Alliés se seraient rendus après avoir reçu une bombe atomique qui, bien évidemment, à Hiroshima, par exemple, provoque 200 000 morts. Mais 200 000 morts, ce sont des chiffres, malheureusement, tout à fait compatibles avec le bilan humain de la Seconde Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui provoque la capitulation japonaise Vous le saurez en regardant Arte, mais en gros, on peut le dire, c'est l'offensive de l'armée rouge. Contrairement à ce que l'on croit. Bon. Donc, la bombe atomique a supposé que Hitler a eu les capacités de la faire. Eh bien, elle n'aurait pas, je pense, emporté la décision. Bon, donc on regardera à nouveau les coulisses de l'histoire sur donc cette Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup, Olivier Viviurca. Je rappelle que vous êtes historien et vous avez notamment publié une histoire militaire de la France chez Perrin. Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâché par Xavier Atto à la technique et surtout dévasté par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.